Dialogue. Une visite à Hazel Rideau. Écoutez. Mesdames et messieurs, la visite commence. Vous êtes nombreux, je vous demande de rester groupés pendant que nous visiterons les différentes salles. Nous sommes ici dans la cour du château construit au début du XVIe siècle. L'édifice très élégant est composé de deux bâtiments en équerre. Aux angles, vous remarquerez les tourelles décoratives. À la fin de la visite, je vous conseille d'aller vous promener autour du château pour l'admirer sous tous ses angles. Maintenant, nous allons pénétrer à l'intérieur. Cette vue-là du château est celle que je préfère. Oui, moi aussi. Que c'est beau. On savait bien vivre en ce temps-là. C'est vrai. La vie ici ne devait pas être désagréable. Répétez. Mesdames et messieurs, la visite commence. Vous êtes nombreux, je vous demande de rester groupés pendant que nous visiterons les différentes salles. Nous sommes ici dans la cour du château construit au début du XVIe siècle. L'édifice très élégant est composé de deux bâtiments en équerre. Aux angles, vous remarquerez les tourelles décoratives. À la fin de la visite, je vous conseille d'aller vous promener autour du château pour l'admirer sous tous ses angles. Maintenant, nous allons pénétrer à l'intérieur. Cette vue-là du château est celle que je préfère. Oui, moi aussi. Que c'est beau. On savait bien vivre en ce temps-là. C'est vrai, la vie ici ne devait pas être désagréable.